Electronique. Electronique. Je suis fait de métal. Écoutez mon histoire, vous n'allez pas y croire. Je suis le fils damné d'une machine à laver et d'un fer à repasser qui était déréglé. Ce n'est pas la panique, je suis habitué à ces puces électroniques. Si je me gratte la tête, ce n'est pas la panique, je suis habitué à ces puces électroniques. Mes puces électroniques.